C'est pire qu'un régime policier. C'est ce régime de parti unique ahurissant qui est différent du parti unique soviétique ou d'autres pays, puisqu'il y a obligation pour même l'enfant au berceau d'avoir sa carte. Les parents d'un enfant qui vient de naître sont obligés d'aller prendre la carte de l'enfant, ce qui fait que tout le monde se trouve enrégimenté dans le parti. Vous vous trouvez à une assemblée obligatoire de parti hebdomadaire, assemblée qui est menée à la trique par la milice, qui sort les gens des concessions à coups de bottes pour les obliger à aller à cette réunion, et vous vous trouvez avec tous les éléments de la population, des bandits, des gens très honnêtes, des anciens chefs féodaux, même pas transformés, à côté de gens sincèrement communistes ou socialistes, et vous êtes là, tous ensemble. Vous vous épiez, vous ne savez absolument pas ce que l'autre pense, mais ce que vous savez, c'est qu'il a les mêmes droits que vous d'aller moucharder auprès du président ce que vous, vous allez dire. Et ça, c'est le quadrillage policier premier du parti. Il n'y a pas d'endroit en Guinée où vous soyez à l'abri d'un racontard. Et malheureusement, vous devez savoir ce que c'est qu'un racontard. Si encore on ne se contentait que de dire la vérité de ce qu'on a entendu. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de transformer ce qu'il a entendu. La Guinée de Sékou Touré, on en a beaucoup parlé en son temps. Mais il faut bien voir que ces pratiques relèvent d'un système et ne sont pas une affaire de personne. Ce système, on le voit d'abord à l'œuvre dans les régimes notoirement despotiques, comme la Centrafrique de l'empereur Bokassa Ier, le Zaïre du maréchal Mobutu Sese Seko ou le Tchad de Ngarta Tombalbaï, pays dans lesquels les chefs d'État étaient connus et accusés d'avoir personnellement participé aux tortures. Mais on le rencontre aussi dans des États qui passaient pour acquis au libéralisme, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, comme en témoigne Samba Diarra, auteur d'un ouvrage très important, « Les faux complots d'Oufouet-Boigny ». Samba Diarra a été arrêté le 13 janvier 1963, condamné aux travaux forcés à perpétuité le 8 avril 1963 et gracié le 6 août 1966. Il est au micro d'Anne Blancard.